sais pas, je poursuis paisible la sainte course de la foi, conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient. Parfois ma route est bien obscure, sans aucun rayon lumineux. Dans mon pauvre cœur murmure, mon guide me soutient. Des cieux conduits par ton céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours le radieux. Ainsi tout le long de la route, hier, aujourd'hui, jusqu'à la fin, près du guide, je ne redoute ni pleurs, ni chute, ni chagrin. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier.